pas le reggae, t'adorais ça, marginal. Tu te donnais, tu pouvais plus reculer. Oh, pas eu, t'aimais pas les maths. Pas pour toi, le costard cravate. Marre de porter le bonnet d'âne. Tu t'es tatoué sur le crâne. Toile, toile d'araignée. Tu t'es fait tatouer sur le crâne pour l'éternité. Le tatoueur t'a piqué. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Les années se sont écoulées, mais tes tatous sont gravés. Dis-nous ce qui t'a pas rassuré. En prison, on t'a cloîtré. La pourriture va te ronger. La peau sur les os, tu vas crever. Bientôt sur ton cœur viendront s'accumuler de vraies toiles d'araignée. Toile, toile d'araignée. T'en es tout tatoué. Sur ton coude, la feignantise. Sur ton crâne, la bêtise. Toile, toile d'araignée. T'en es tout tatoué. L'encre coule dans ton sang. Skinhead à 100%.